Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. Et oui, bien le bonsoir, nous sommes jeudi, il est 20h et jusque 22h, bah maintenant vous avez pris l'habitude, c'est l'émission 120 au compteur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des soirées terrifiantes parce que c'était Halloween. Et en parlant de terrifiant, et bah on va commencer par présenter les gens qui sont autour de la table. Alors, la plus terrifiante, c'est Marine. Ah oh bah merci. Mais oui, Marine a joué le jeu, elle est déguisée, alors je sais pas oui, pourquoi. Oui, bon, il y a moi qui l'ai fait. Hein. Ouais, c'est pas bon, on dirait qu'elle va en enterrement en fait. Bah c'est Halloween. Ah bah oui, c'est vrai. Novembre, ouais. Ouais, c'est le 1er novembre, c'est vrai, c'est la fête de tous les saints. Donc, j'ai l'impression que c'est tous les jours comme ça. Ah bah merci. Et même, je suis content d'être venu. Même Canon a arboré son plus beau, sa plus belle tête de mort. Absolument. Voilà, on fera des photos d'ailleurs pour Halloween. Ah oui, oui. Ça sera bonsoir super. À tous, bonsoir à toutes, bonsoir la France, bonsoir l'Europe, bonsoir moi, bonsoir. Et voilà, bah c'est, moi c'est fait. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va-t-il bien? Ça va. Ça va. Pas mieux que la semaine dernière, ouais. Ouais, bah ouais. Et toi t'es resté déguisé, apparemment. Oui, c'est ça, ouais. Alors. Alors, ouais, bah, tu vois, c'est pas bien. Hein. Tous les mois, vous le savez, vous avez pris rendez-vous, vous le notez sur votre agenda tout le temps, évidemment. C'est notre ami Stéphage qui est venu nous rejoindre pour le fameux défi mix. Défi mix. Bonsoir à tous. Oui, défi mix de 80 à aujourd'hui. Tu sais que t'es toute belle avec ton oui, chapeau et ton t-shirt avec le rouleau de PQ là, j'adore. Ce joli serre-tête. Mais non, il parlait de ton t-shirt. Non, le serre-tête, ouais. Ouais. Ah, il faut le mettre en live sur. Excuse, mais c'est plus Halloween, les amis. Alors, Stéphane, moi je vais te lancer un défi. C'est au-delà du défi mix, c'est que tu mixes avec tout ce que tu as sur la tête. Ça va être sympa et on va le mettre en live pour que tout le monde voit Stéphane. Il y a moyen, j'ai fait pire samedi, on entendra tout à l'heure. Bah oui, justement, alors on va faire un retour. Enfin, là, c'est chaud. Hein. Voilà, on va faire un retour sur plein de choses. Alors, il y a Canon qui a vécu pas mal de choses, il va nous en parler, bien ouais. Évidemment. Il a préparé une petite chronique, sympa. Aussi, oui, il est revenu avec des idées. Eh ben, c'est pas mal. Marine nous fera un retour sur un événement qui a eu lieu ce week-end en partenariat avec la radio RLM. Oui, c'est ça. Voilà, donc, et puis aussi également un concert qui nous a bien plu et on y est allé donc pour représenter RLM. Et c'est une très bonne soirée. Et donc, eh bien, on va continuer. Mais toi aussi, bonsoir. Hein. Oui, bonsoir. Hein. Et quand on entend ta voix, il paraît que tu as failli la perdre. Eh ben justement, je vous raconterai une petite anecdote. Ah, j'ai pas dit qu'elle reste jusqu'à la fin. Qui est vachement sympa, les gars. Voilà, j'ai ouais, su retrouver à fond. Ah, le perforat. Ah, mais ce que je veux dire, j'ai entendu un truc, ouais. Une annonce, je me suis dit, tiens, il y a le perforat. Ouais, j'essaie de la tenir, mais ça va. Ça va, ça va. Un petit peu de sirop et c'est bon. Allez. Ok, c'est parti. Parle-t-on tout lui dire, parle-t-on tout lui dire, juste assez pour tenter la satire sans que je lui plaise. Sous le fil l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet pour lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si près des skis, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Mmh.

mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Sur la fréquence, premier sur les hits, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours, RLM, 107.9 FM. Et vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur et c'était Queen avec Bohemian Rhapsody. Ouais, et on peut dire au passage, c'est qu'il va sortir... Il est sorti hier. Ah, ouais. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais, absolument. Alors je sais que tu as été touché par une association, on va déjà en parler, une association qui s'appelle l'association des Queens de l'Espoir. Oui. Alors est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Un mot. Les Queens de l'Espoir, c'est une association qui améliore la qualité des séjours des enfants hospitaliers. Donc pas que les enfants, mais les enfants, la famille, toutes les personnes qui font partie de l'hôpital. Et en fait, donc il y a des bénévoles pour cette association, des clowns, donc qui peuvent transformer des lits en vaisseaux, qui dessinent sur les carreaux, qui chantent, ouais, qui font du mime. Et donc l'intervention des clowns, c'est vraiment des clowns qui sont préparés, c'est pas juste des clowns qui viennent. C'est des pros, hein, c'est des pros. Ouais. Il y a aussi les marchands de sable qui eux viennent à partir de 18h et qui racontent des histoires aux enfants avant qu'ils aillent se coucher, donc tout ça. Ils sont plutôt amateurs d'ailleurs. Ouais. On peut démarrer marchand de sable et terminer clown de l'espoir. Et du coup, ils leur changent vraiment leur quotidien. Et puis, c'est vraiment aussi pour la famille, pour pas qu'ils restent que dans la maladie, tout ça. Et en fait, au niveau des clowns, en 2017, il y a 1541 duos qui ont visité plus de 16 000 enfants. Ouais. Sur une année. 16 000, c'est bien. Ouais. Et on a eu justement l'occasion d'assister à un concert. On vous en reparlera juste après. Et pendant l'entracte du concert, il y avait un reportage justement sur les Coupes de l'Espoir. Et croyez-moi, c'est très émouvant. Même moi, j'ai failli. J'avais les larmes aux yeux. Tellement c'est. Moi, j'ai fait. C'est terrible. Entre le côté un peu triste de ces enfants qui sont hospitalisés, qui ont très peu d'espoir, on peut le dire malheureusement. Et ces clowns, il y a un paradoxe, mais ça leur fait tellement du bien de rire. Et c'est la thérapie par le rire. Et c'est vraiment exceptionnel. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette association. C'est vraiment très bien. C'est une belle initiative. Absolument. Et on vous parlera évidemment du concert qui a été organisé au profit donc de cette association. Juste après ce tirage au sort du premier défi mix de notre ami Stéphane. Oui, donc le défi mix comme chaque premier jeudi du mois. Avec des titres des années 80 aujourd'hui, donc 700-800 titres dans le sac à mix, et vous en avez tiré 6, et je vais devoir me débrouiller avec ça. Donc j'espère que le tirage est bon. Alors, soyons courtois, on va demander à Marine les premiers titres. Oula. Alors, Willy Denzey avec le mur du son. Oula. Oula. Ah ouais. Ouais. Oula. Ouais, c'est plutôt Bongs, ouais. Et Feder avec Liz et le titre Goodbye. Ah, ouais. Ah, il est bien celui-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est un titre de l'année dernière. Tête, hein. Non, ouais, de l'année dernière, c'est ça. Hein. Goodbye, ouais, de Feder, ouais. 2017, je pense. Alors, moi, ça sera avec le gang des garçons de la rue. Boston Gang. Ah, tu fais peur. Ah, c'est I can't take my eyes off you. Ah, et suivi de Whitney Houston, la regrettée Whitney Houston, avec I wanna dance with somebody. Ok. I wanna dance with somebody. Dédicace à Nono. Ah oui, dédicace à Nono, absolument. Alors moi, j'ai fait exprès, mais j'ai début de soirée avec La Vie, La Vie. La Vie, La Vie, La Nuit. La Nuit, pardon, c'est parce que j'ai mon doigt dessus. Et évidemment, bah tiens, ça tombe très bien, Queen avec I want to break free. Ouais. Ah, bien. Donc ce sera juste après ça. Juste après ça, effectivement. Dans une voiture volée, près d'une villa bidon sur une zone en danger. Terre en vague amarrée à la cité romaine, comme un fou décoiffé déshabille une reine. Parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges, petit jour. On fait l'amour. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. Quand leur corps se mélange, dans la lumière étrange. Sur le parking des anges, deux anges, petit jour. On fait l'amour. Sur le parking des anges. glimpse of him. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse shell. I'm gonna see it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. RLM 107.9 FM. RLM. Et c'est toujours aussi bon. Et puis, bah, dis donc, un petit fouleur, là, ça y est, cette époque, évidemment, les époques Halloween. Bah, justement, on parlait d'Halloween. Je sais que Stéphane a fait un bel événement en défilé. Je crois que t'étais déguisé avec des trucs qui clignotaient, je crois. Oui, alors j'étais un peu dans le froid, mais j'étais sur le cortège d'Halloween du CCRT, Moucron, donc au quartier du Riscantou. Ouais. Sur un char, perché en hauteur, à mixer en live. Donc, très, très bel événement. Qui ramène énormément de monde, et franchement, et je me suis fait plaisir, et je pense que les gens aussi qui suivaient le cortège ont bien apprécié. Mais en tout cas, il y a une expérience. Par contre, ça bouge beaucoup quand même. Il s'est fait peur à 14 mètres de haut quand même. On m'a dit que c'était vachement bien, mais j'étais déçu, je pensais que c'était Miss Moucron sur le char. Miss Moucron, elle était devant moi. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais je salue Gaël au passage quand même, qui était ma danseuse de choc sur le char. En tout cas, c'est un très très bel événement, et je crois pour toi, c'est une première quand même, c'est disco. Ah ouais, c'est une première. Et là, j'avais déjà mixé dans un bus, dans un disco bus. Ouais. Bon, mais là, c'est encore moins stable. Hein. On va dire que c'est vrai que là, ça tangue. Hein, quand même. Dis donc, on devrait créer un nouveau concept, un disco chiotte. C'est pas mal, ça. Il mixerait dans un chiotte. Qui bouge pas, alors. Qui bouge pas. Tu fais un décor, hein, ça serait excellent. Alors, on en parlait tout à l'heure, effectivement. On parlait avec Marine de l'association des clowns de l'espoir. Effectivement, alors, ça s'est fait comme ça, à la va-vite, parce qu'on a été invité. Puis bon, voilà. Et on a assisté à un beau concert qui a eu lieu donc vendredi soir au CSE de Waterloo. Et il y a eu plusieurs artistes qui se sont succédé sur scène. Tu te rappelles de tous les artistes? Ben oui, il y avait Pierre Pruvot, il y avait Jean-Minet Charlie, Anton, Aymeric Magic, Manu le chanteur, Patty et Nerseed. Voilà, alors franchement, alors ce qu'on pourrait déplorer malheureusement, c'est que un peu d'affluence. Je pense que c'était peut-être parce que c'était la fin du mois, ou peut-être qu'en termes de communication c'était un peu compliqué. La salle n'était pas comble, mais en tout cas, croyez-moi, alors il y a tous ces artistes, il y a eu les magiciens, il y a eu Patsy. Oh, oui, c'est bien la Patsy que je connais. Évidemment, qui chantait Liverpool. Alors elle nous a gratifié d'un titre en malgache, et franchement, c'est un vrai plaisir. On a très bon souvenir. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, elle vous salue au passage, hein, parce que ça rappelle très bien de nous, bien évidemment. Est-ce qu'elle est, on l'avait reçue, est-ce qu'elle joue toujours avec Fred Alain Pontieux en guitare? Non, elle joue plus avec lui. Maintenant, elle joue avec un vrai malgache. D'accord. Dont j'ai oublié le nom, parce qu'il a un nom malgache. Voilà. Sinon, il y a Anton, qui est très, très impressionnant, qui faisait du close-up juste avant le spectacle, que j'ai fortement apprécié. Aymeric le magicien était aussi sympa. Jean-Mi, évidemment. Dans une vie antérieure, je crois qu'il était amené à vendre sa maison. Ouais, c'est vrai. Un super sculpteur, un super ventriloque. J'en parlais, c'est un mec adorable. Absolument. Et il y a Nord-Sud, qui a terminé le spectacle. Et sincèrement, ils ont mis le feu. Et on a fini par se retrouver comme si on était en famille et à faire des farandoles. C'était vraiment génial. On s'en fait en Nord-Sud, hein. Il y a des niveaux, hein. Il y a des gens là-dedans qui chantent très bien. Hein. Absolument. Et on a gardé un très très bon souvenir. Et encore une fois, moi j'invite à vous rapprocher de ces artistes, aller voir leur actualité. Je pense à Nord-Sud, je pense à Patsy, je pense à tous ceux qui sont... Pierre Pruvot avec ses chansons un peu décalées, absolument. Donc on voulait vous en parler parce que bon, on avait vécu un bon moment, et c'était bon, c'était toujours aussi bon. Bien. Eh bien, De la session, mon ami. À propos de décaler, on va essayer de tout recaler parce que avec votre joli tirage au sort. Et n'oublie pas de mettre ta coiffe. Hein. Bon, ouais, je veux dire. Oui, on... c'est vrai. Alors, hop, oui, c'est radiophonique. Hein, tu sais, il me fait peur, il commence à se balader à 13 mètres avec des clignotants. Ouais. Là, il commence à mettre une tête de mort. La Gate Pride, c'est pour bientôt. C'est ça. Et bientôt, il aura un costume. Il aura un costume noir et chemise blanche, je vous en parlerai. Ah, ouais, c'est vrai. Ça va être bon, ça. Allez. Alors, attends. Ouais! Alors attends. Pourquoi tu veux qu'on queen? You want to break free? Now, play the game. Je viens doucement, passer le mur du son, you loved. Then you promised. You are sleeping patrol. Chris Knight. Intense sex. Now, living my own life. Yeah, you're out of my head. Been wasting too much time. Gonna leave you far behind. Teach me. musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, toujours dans l'émission 120 ans compteur, on espère que vous passez une bonne soirée. Donc on est avec toute l'équipe dans, sur la radio RLM. Ouais, ouais, ouais. Je croyais que vous allez faire un thriller derrière. Donc, alors, je vais vous parler d'une chronique. Vous savez, souvent, je prends une chanson qui a marqué son temps et je la traduis, donc une chanson anglophone. Je vais vous livrer les paroles traduites en français. Vous allez essayer de me trouver quelle chanson. C'est, je vous assure, c'est vraiment mythique. C'est un très, très grand groupe anglophone. Dindada. Non, non, non, c'est là la traduction. 174 mots, tout ça. C'est sombre dans la ville, la nuit est un fil électrique, de la vapeur dans le métro, la terre est en feu. Femme, si tu me veux, fais-moi un signe et attrape mon souffle encore plus près derrière. En phase avec la terre, je suis en chasse, je suis après toi. Je sens comme j'entends, je suis perdu dans une foule et je suis affamé comme un loup. À cheval sur la ligne, en discorde et en rime, je suis en chasse, je suis après toi. Ma bouche est vivante, de jus semblable au vin et je suis affamé comme un loup. Traqué dans la forêt, trop près pour me cacher, je serai sur toi avant la pleine lune. Les forts battements de ton cœur battent sur ta peau si tu es prêt. Tu sens mon cœur, je suis juste derrière toi. Une odeur et un bruit, je me suis perdu mais vite retrouvé. Se pavanant sur la ligne, c'est une discorde et une rime. J'hurle et je gémis, je suis juste derrière toi. Ma bouche est vivante, tout y coule à l'intérieur. And I'm hungry like the wolf. C'est pas... Ah, ah. Je sais pas si c'est ça. Je viens de donner le titre, mais... Ah, c'est pas ça. Non, c'est I'm hungry like the wolf, Duran Duran. Ah bah non. Ah ouais. Ah ouais. Non, j'étais pas du Hungry Like the Wolf. J'étais pas du Duran Duran. C'est vrai. Ah ouais, ouais. En fait, pour, ça vient de leur album Rio. Il y a aussi Just Save the Prayer. Là, ça vous parle? Just Save the Prayer. C'est un très très bel album de Duran Duran qui est beaucoup plus intimiste que The Reflex, The White Boys. Et en fait, c'est inspiré d'Indiana Jones. Et en fait, ils se disent, mais où on va tourner ce genre de... Bah, ce truc de loup-garou dans... Et le réalisateur dit, bah, je viens du Sri Lanka, ça a l'air d'être pas mal, allez-y. 200 000 $ par Emmy, Emmy à l'époque, la compagnie. Et ils ont tourné leur clip là-bas de Hungry Like the Wolf. Et comme ils y étaient, ils ont tourné, et j'ai vérifié, Don't Save the Prayer. Ça vous parle, non? Non, Duran Duran. Non, vraiment, non. Vous êtes, voilà, The Reflex, White Boy. Mais alors... Je vous ai pris, bah évidemment. On a encore une version techno. Ouais, une version techno, non. La première version techno un peu relevée, c'est, alors il faut savoir que c'est pas un mix qui a été fait en reprenant des paroles du groupe. Non, non, mais. C'est d'autres paroles avec une autre musique. Non, non, non, c'est un DJ à Miami qui a rencontré Duran Duran et leur a proposé de chanter. C'est vraiment eux qui chantent. C'est vraiment du live, hein. C'est pas un mash-up. C'est vraiment du live. À part que lui derrière, c'est Stéphane appréciera, j'ai plus son nom, mais. Bah, le gars mixe derrière avec à son style, hein, c'est du David Guetta avec Duran Duran en live. Et après, d'accord, suivi de la même version, mais un petit peu plus jungle. Ok, voilà. Jungle. Thank you. Insolite RLM 107.9 FM. Et oui, donc c'était un extrait de Duran Duran, c'était Hungry Like the Wolf. Je suis assez surpris que vous ne connaissiez pas. Si, si, si, je connais. Si, si. En écoutant la musique, oui, par contre, je ne connaissais pas le titre. Ouais, ah, donc voilà. C'est le titre me disait rien du tout. Mais ouais, oui, effectivement, j'ai déjà entendu. L'album Rio, j'ai plus la date. Ah, Duran Duran quand même. Ouais, mais le titre. On... Ah oui, donc pourquoi il n'y en a d'autres ? Il y en a une. Ni la chanson ni le titre. Il y en a une très belle. C'est la même chose. Non ! Ni la chanson ni le titre. Mais non ! Il y en a une très belle, c'est Don't Save the Prayer. Vous connaissez. Ça vous dirait. Tu fais très bien, mais c'est un rythme portable, par contre. Oui, c'est bien. Il faut laisser faire. Sinon, je deviens orange. Bon, ah, ouh. Ouh là là, je viens de comprendre. Ah ouais, j'avais pas compris non plus. Ah ouais, bah non. Le 4 sort de ce corps. Et c'était pas toi, I want to break free. Ah oui. Bon, alors, merci en tout cas de nous avoir fait redécouvrir ou découvrir un titre de Duran Duran. Moi, je voudrais revenir sur ce week-end parce que ça a été un événement quand même en partenariat avec RLM. Donc RLM, c'est toujours aussi bon, un partenariat qui a duré 3 jours puisque c'était le salon commercial. Donc deux boîtes Rollo où il y a eu à peu près 90 exposants. C'était une aventure, voire presque limite une mésaventure, hein, rapidement, parce que oui. J'étais en charge donc de présenter le salon commercial. Et alors, je vous le donne en mille, donc le vendredi tout se passe bien, le samedi, extinction de voix totale. Panique à bord, évidemment. Alors, je parle comme le père Fouras, tu vois. Alors, c'est un peu compliqué. Bien fourré. Alors, j'ai tenté, bien malgré moi, de faire la présentation, mais c'était impossible, quoi. Bon, pour Halloween, ça aurait été sympa, mais impossible. J'ai demandé donc à un de mes amis, d'ailleurs, je le salue au passage, Hervé, que tu connais, Canon. Et on salue Hervé. Oui. Et on salue Hervé au passage, il nous écoute. Et puis, un ange passe. Et oui, puisque Marine est venue tout d'un coup, elle arrive. Et puis. Il est mignon. Elle arrive et puis elle me propose effectivement de me suppléer. Alors le samedi, je lui ai un peu soufflé le mot parce que c'est comme ça. Tu dis ça. Alors pour les pompes funèbres, tu dis ça, machin. Et Marine qui répétit. Alors pour les pompes funèbres. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Et ceci dit, le dimanche, j'ai recouvert un peu la voix et mais pas suffisamment parce que t'entends. T'as recouvert, je crois. T'as recouvert. J'ai recouvert, ta gorge. Ma gorge, mais j'ai recouvert ma voix. Absolument. Et là, Marine est partie comme un électron libre et a présenté aussi donc tous les commerçants. Ça s'est très très bien passé. Je pense qu'on a eu de très très bons retours. D'ailleurs, on a salué quelques-uns au passage. Hein. Je pense à Nathalie, à tout bout de fil, qui nous écoute régulièrement. Je pense à Stéphane qui vend du saucisson. Je pense aussi à Papilly et René. Alors, Papilly et René, qui nous font plaisir et qui nous offrent à RLM donc toute une panoplie donc de macarons frais. C'est très bon. Et je sais que Marine en a mangé. Hein. Ouais. Voilà, ils sont j'ai tout goûté moi. Donc d'accord. On remercie Papilly qui nous les a offerts avec René. Ils sont faits, c'est artisanal, donc vraiment c'est sympa. Et on a découvert un nouveau monde. Là, Marine, tu as découvert un nouveau monde, parce que moi je les connaissais, mais c'est le monde des commerçants. Et Marine, un nouveau monde. Le monde des commerçants. Dans un magasin. Non, je connaissais pas. Et j'ai goûté du jerky. Et le jerky, ouais, ça c'est super, super bon. En fait, tu peux nous expliquer quand même ce que c'est que le jerky. Hein. Ouais, vas-y. C'était du saumon avec du sirop d'érable. Alors c'est du saumon fumé, donc saumon du saumon royal, fumé avec du sirop d'érable. C'est super et bon. C'est très très bon. J'ai goûté une vodka, vodka alsacienne. Un whisky alsacien aussi également. Du vin rouge, du Saint-Amour, on va marquer, non, j'ai pas goûté tout ça, mais il y avait plein de bonnes choses, sincèrement. Il y avait aussi un vendeur de viande taurine, de la bavette et enfin du saucisson taureau, enfin vraiment c'était merveilleux, il y avait plein de choses. Enfin c'était pour dire qu'on avait passé un très très bon week-end, très très chargé quand même, on peut le dire. Et puis c'était en partenariat avec RLM 107.9 et c'était un vrai plaisir de le faire comme ça en étant sous l'effigie d'RLM, n'est-ce pas Marine? Tout à fait. Donc on a fait le tirage au sort de la deuxième session du Défi Mix 82. On va commencer par le plus jeune, Sherlock. Oui, alors moi j'ai tiré au sort Sandra avec Secret Land. Ah ouais. Et ensuite Janet Jackson avec Together Again. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais, c'est donc premier c'est année 80, deuxième année 90. Bien. Marine. David Guetta et Kid Cudi avec Memories. Mmh. Ouais. Et Michel Sardou avec La même eau qui coule. Waouh. La même. Hein? La même eau qui coule. Ah oui, c'est toujours là. La même eau qui coule. Il y a la maman qui coule, vite, Canada. Canada de ton côté. Donc on va suivre avec Donna Summer qui fait exactement la même chose que nous. Elle bosse beaucoup pour se faire du fric. Elle a un peu mort quand même. Voilà. Elle a un peu mort quand même. Oui, c'est vrai, oui. Elle bosse beaucoup. Ouais. Ouais. Donc après Kings and Calling on Free Burners, This Girl. Yeah. Oui. Voilà, Kings and Calling on Free Burners. Ça m'éclate à chaque fois que tu vois les de chansons qui sont beaucoup plus courtes que le titre du film. Oui. And now Kings and Calling on Free Burners dans This Girl. Ouais, voilà. Allez, on se retrouve juste après ça. Allez, c'est parti. White parents whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings. get our checks in the mail, it's fuck to paint it. How we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing, except for a dream and a fucking rat magazine, who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all they song. Or for anyone who's never been through shit in their lives, so they sit and they cry at night, wishing they died. So they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you, but with the fucking shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, and we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone, just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can Et sérieusement, on est à l'antenne là. C'est pour Halloween. C'est pour Halloween. C'est toujours celui-là. Et c'est, toujours non, c'est toujours celui-là. Ah, c'est vrai, sérieux? Attends, on dirait celui d'Halloween. Non, bah à la fin, il Et oui, parce que vous me retrouvez également chaque samedi sur RLM. Oui, bien sûr. En apéro. Apéro, ouais. C'est ça. Exactement, l'heure de l'apéro. Ouais. Pas qu'en Belgique, ça commence à 18, mais. Ouais. Ça commence le lundi à 9h. C'est la mise en route pour passer une bonne soirée. Et d'ailleurs, à propos de bonne soirée, moi j'en ai une à vous proposer samedi, donc qui arrive le 3 novembre. Ouais. Alors, faut aimer la musique électronique, mais ça va être une soirée 100% rétro. Au Barouf, sur Moucron, donc place de la Justice, à partir de 22h, donc extrait en commande. Ça devient rétro, dis-moi, parce que maintenant on prend du rétro et on le remet au goût du jour et ça reste rétro. Rétro, là, ça va être, on va être dans les années 90 et ça peut aller jusqu'au début des années 2000. Un peu tout ce qui est solide et tout ça, là. Et on peut même. On voit que tu maîtrises le sujet, dis donc. Ah ouais, je commence à apprendre un peu la musique électro, merci. On peut même remonter fin des années 80. Je peux même aller un peu sur tout ce qui est. Alors, limite New Wave, mais plus New Beat, le début de la house, donc 88, 89. Ah ouais, d'accord. Donc un beau panel, et donc ça promet une bonne soirée, voire même une bonne nuit. Hein. Donc au Barouf, place de la Justice. Barouf, à Moucran. Donc à partir de À partir de 22h. Bien. Faudra nous mettre une fois pas dans le James, c'est ça? Exactement, ouais, c'est un peu de technotronique. Il doit être dans le sac à mix, hein, d'ailleurs. Ah oui, oui. Ouais, mais alors là, c'est pas de la rétro house, si. D'accord. Ouais, 89. Ouais, ouais. C'est Rock to the Beat, par exemple, c'est. Rock to the Beat également. Rock to the Beat, c'est 101, ça. 101, ouais, c'est vraiment passé. Il n'y a pas eu que 101, d'ailleurs, qui l'a fait. Et quand tu penses il y a que plein de versions. Le pire, c'est que Marine n'était pas née. C'est vrai. Elle n'était même pas un projet, en fait. Non, mais ça va, ouais. Le fameux projet X. Peut-être pas pour ça. C'est pas pour son père, mais pour sa mère, si. Bon, en parlant de brouillon, Sherlock. Oui, bon. Moi, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé cette semaine. Qui date de 1996, plus précisément du 14 février, alors rien à voir avec la Saint-Valentin. Un mercredi. Oui, c'est ça, un mercredi, effectivement. Et c'est un film de Joe Johnston. Je sais pas si ça vous parle un petit peu. Je vais vous connaissez Terra de Johnson. Mais... ouais, non, c'est pas ça. Mais je vais vous en reparler tout à l'heure car il ressort. Enfin, il a ressorti un film hier, donc je vous en reparlerai. Et la musique est de James Horner. James Horner, la musique de Titanic, évidemment. Notamment, ouais. Donc, dans les acteurs, on a Laura Bell Bundy, David Alan Grier, Bradley Pierce, Bonnie Hunt. Et le film a quand même fait 2 013 785 entrées au box-office français et a remporté 2 prix au Saturn Awards et 4 nominations également au Saturn Awards. À 2 millions, c'est bon. Est-ce qu'il y a une actrice dedans? Oui, il n'y en a pas qu'une, mais oui. Ouais, la principale, je veux dire. Ouais, on va dire c'est plus une enfant. Hein. C'était plus une enfant à l'époque. Ouais. C'est Kirsten Dunst. Connu dans Spider-Man par la suite. Mais c'est pas l'actrice principale dans le film. C'est pas l'une. Non, c'est Bonnie Hunt, on va dire, l'actrice principale. Ah oui. Alors, tu pensais à quoi? À la même chose que toi, gros dégueulasse. Je m'en serais douté. Ah oui, c'est sûr. Ça suit mes couleurs. Oui, c'est vrai. Je pensais à Casper, en fait. Ah non, pas du tout. Et écoutez peut-être le premier extrait qui est tiré du film. Vous allez sûrement reconnaître, je pense. Elles poussent plus vite que le bambou. Prenez garde ou elles se lanceront sur vous. Oh, génial. Oh, Seigneur. Dites-moi que c'est pas vrai. Aussi. Oh. Restez loin des murs, ne touchez rien. Pas de geste brusque. Oh, elles sont magnifiques. Oui, magnifiques. Ne touchez pas à celles qui sont pourpres. Elles lancent des épines empoisonnées. Et surtout, évitez celles qui ont une cosse. Des grosses, qui sont jaunes. Des grosses jaunes? Alors, c'est exceptionnel, parce que figure-toi que j'écoutais, mais je vous assure que c'est vrai. J'écoutais une ancienne émission. Oui. Il y avait alors il n'y avait pas Sherlock à l'époque, il y avait Cédric, il y avait Canon, il y avait Stéphane, si ma mémoire est bonne, il y avait Kit Kat, et on a parlé de ce film. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. J'étais dans la voiture. Alors si c'est celui-là dont je pense, ça me fait flipper. D'accord. Il n'y a pas un rapport avec The Rock quand même. Ah, si. Ouais. Si, effectivement, il y a un rapport avec The Rock. Ah, honnêtement, c'est trop fort. Il y a un rapport avec The Rock. Bon, j'ai pas dans ma voiture actuellement, là. Il en parlait il y a 3 minutes d'être monté sur cette émission d'il y a 4-5 ans, quoi. Bah, oui, d'accord. C'est énorme. Je vais vous faire écouter le deuxième extrait du film, et après, on reviendra vite fait donc sur les anecdotes avec la musique du film. Écoutez l'extrait du film. Oh, je t'en prie, Alan, la seule fois où j'ai joué, ça a gâché ma vie. Ça a gâché ta vie? Oui. Dans la jungle, tu attendras un 5 ou un 8 des livres rares. J'étais une petite fille, Alan. Tu as disparu. Et une bande de chauves-souris s'est jetée sur moi et m'a poursuivie dans la rue. J'étais effrayée. Je suis désolée, Alan. Personne n'a voulu me croire, j'étais toute seule. Et moi, j'ai été toute seule pendant 26 ans, Sarah. Moi aussi. T'en fais pas, Sarah. Nous aussi, on a peur. Mais si on finit la partie, tout rentrera dans l'ordre. Alors, est-ce que ça vous parle? Enfin, oui, forcément. Ouais, bah, carrément. Qui fait... il y en a dedans. Oui, il y en a dedans, ouais. On peut même dire que c'est un comique qui avait une vie privée plutôt moins comique, quoi. Oui, effectivement. Alors, je vais vous passer donc la musique du film. Je ne sais pas si ça va vous parler. Les tam-tam qu'on entend comme ça. Non, c'est pas Tarzan, non. C'est à l'Eurovision, ça, non? Non. Donc, je pense que tout le monde a trouvé le film, c'est... Jumanji. Et effectivement, Jumanji. Alors, parce que... dont j'ai adoré aussi, nous. Vous l'avez vu? De quoi? Pardon. Le nouveau est bien. Le nouveau, je l'ai vraiment bien aimé. Donc, je vais vous parler un petit peu du film. Je pense que tout le monde le connaît, l'a déjà vu. Ça se passe lors d'une partie de jeu. Donc, ça se passe en 1969. Le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son ami d'enfance, Sarah, dans un pays étrange. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. 26 ans plus tard, il recouvre le monde réel par le coup de dé de deux autres jeunes joueurs. Donc, pour baptiser sa création, Chris Van Allsburg, donc l'auteur du livre ayant inspiré le film, souhaitait trouver un nom qui ait une consonance étrangère et qui soit excitant. Le mot Jumanji, qui signifie plusieurs effets en zoulou, lui semblait donc parfait. Il inspire de la curiosité et de l'émerveillement. De plus, le plateau de jeu se compose de 110 cases et donc d'autant de possibilités pour le joueur de faire face à un danger qu'il devra surmonter. Si Robin Williams est parfait dans le rôle d'Alan Parrish, le comédien n'était pourtant pas le premier choix de la production. C'est Tom Hanks qui avait été approché en premier, mais ce dernier venait de tourner dans Forrest Gump et refusa le rôle. D'autres noms ont alors circulé, Dan Aykroyd, Sean Connery, Kevin Costner, Mel Gibson, j'en passe, même Arnold Schwarzenegger. Ah ouais. Bruce Willis fut également contacté, mais refusa le rôle car il était déjà engagé sur Une journée en enfer. Scarlett Johansson avait quant à elle auditionné pour incarner la jeune Judy Shepherd dans Jumanji, mais la production a préféré confier le rôle à Kirsten Dunst, qui avait déjà joué dans Entretien avec un vampire et Le bûcher des vanités. C'était la petite blonde. Ouais, c'est elle ça. Elle est mignonne d'ailleurs. Ouais. Alors, le jeu d'ailleurs ayant servi dans le film s'est vendu sur eBay à 60 800 dollars en 2014. Ah, le vrai de vrai. Ouais, le vrai de vrai. Ouais. Wow. À la fin du film, on voit la boîte de jeu sur une plage et on entend des tam-tams. Dans la version originale, les personnes qui trouvent le jeu parlent en français, tandis que dans la version française, les probables nouveaux joueurs parlent espagnol. Forcément, ça aurait fait un peu bête si on entendait parler en français, vu que tout le film était déjà en français. Oui. Alors, il faut savoir que dans le Blu-ray qui a été réédité en 2017, il y a deux scènes qui ont été supprimées, qui apparaissent à la fin du film. Donc, la première scène représente Carl, le nouveau président de la fabrique de chaussures. Carl, qui est le policier dans le film, discutant d'une nouvelle chaussure avec Alan et un collègue. La seconde montre une version agrandie de la fête de Noël, au cours de laquelle Judy et Peter ouvrent leurs cadeaux, dans lesquels ils reçoivent une toute nouvelle paire de chaussures appelée Jumanji. Et donc la fin, le film a donc eu une suite en 2017 nommée Jumanji Bienvenue dans la jungle, où cette fois les joueurs sont propulsés dans le jeu. Ce film a quand même fait 3 169 047 entrées au box-office français. Mais c'est pas mal. Oui, c'est très bien, franchement c'est très bien. Et le film est vraiment sympa. Parce qu'ils ont remis ça au goût du jour, là, c'est plus avec une boîte de jeux, mais avec un jeu vidéo. Okay, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ouais, et il y a Jack Black également. Ouais, c'est très moderne, avec le nombre de vies qu'il perd. Oui, non, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très très bien fait. J'adore, c'est quand l'autre il veut casser la figure, il se souvient plus que... Vous connaissez, ils incarnent des personnages. Moi, je ne pense pas. Je ne vais pas spoiler, alors, mais regarde-le, c'est bien. Ouais. Alors, franchement, si tu as vu le premier, je peux te conseiller celui-là, parce que franchement, il est très bien. Voilà. Bon, et ben moi, ce que je propose, ben merci à toi, Sherlock, c'est qu'on fasse la deuxième session du Défilix. Oui, alors je vous préviens, on va partir un peu dans un son vinyle, hein, avec quelques craquements. Ah, ouais. Ah. Ouais, avec un certain Michel Sardou. Un petit Dave, non? Donc, peut-être Michel Sardou, peut-être que Marine pourrait nous rappeler le titre, non? Ouais. Bien sûr. La mer monte. Toujours la même eau qui coule. La même eau qui coule. Voilà. Ah, ouais. La fameuse maman qui coule. Il va très mal, il paraît, Sardou, c'est ma chérie qui me disait ça récemment. Comme quoi, donc, on salue Michel. Ah bon, salut Michel, ouais, effectivement. Bon, moi ça m'en doit triste. Et on salue Renaud aussi. Hein. Oui, aussi. Ouais. Et Enrico. Enrico. Ouais, sans blague. Ouais, il est très très mal. Il est en fauteuil roulant. Quand tu veux, c'est à toi. Jouer à mes jeux interdits. You got me wrong and that's a fact. feeling tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best ever. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Et c'est toujours aussi bon, évidemment. Alors là, c'était la deuxième session de notre ami Stéphane. Non, mais c'est par rapport à sa pub. Oui, là, oui. C'est vrai que... Non, mais très bien. Franchement, alors, il me disait hors antenne, Canon, que ça lui rappelait des souvenirs d'Anna Summer, puisque c'était sa première montée sur scène. Ouais, en 1983, je me suis retrouvé sur scène au Colisée dans une comédie musicale avec la troupe Évasion, et il y avait deux filles qui dansaient sur cette chanson-là avec des parapluies, en fait. On appelait ça la danse des parapluies. Il faisait ça très bien, une très très belle danse. Et ça m'a... Et tu faisais quoi, toi, tu dansais? Non, il faisait le parapluie. Je regardais, non. Non, je voulais juste dire que le titre de Michel Sardou, moi, il me fait penser aussi à un spectacle d'évasion, mais alors je ne sais plus dire lequel, mais cette chanson-là a été reprise, la même au qui coule. La même au qui coule. Un spectacle d'évasion. D'évasion. Titanic, alors, ça remonte dans les années 80 aussi. Hein. Oh, le Titanic, c'était plutôt la lèvre. Hein. C'était peut-être la Révolution française, je ne sais pas. Bon, où en était-on? Ah, ah ben Sherlock, évidemment. Bah justement, est-ce que tu veux que je t'étonne? Alors, je vais vous parler. Voilà. Je vais vous parler des sorties ciné donc qui ont eu lieu hier. Avec, j'ai commencé avec la Belgique, les sorties belges. Je rappelle que ce soir c'est la fête des saints. Hein. Oui, oui, effectivement. Et c'est la journée mondiale du véganisme. Rien à voir. J'ai remarqué, Harry, je lui pousse son micro pour qu'il arrête de crier dedans. Je crois que dans deux minutes, il va être dans la. Alors, donc hier est sorti le film Hellfest avec Amy Forsyth, avec Amy, Rain Edwards et Tony Todd. Alors Tony Todd, c'est celui qui faisait Candyman. Ah, le Black. Ah ouais, c'est ça. Ok. Effectivement, qui a aussi joué dans les films Destination Finale. Ah oui, dernier d'ailleurs, dans le cinquième. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et donc c'est un film de Grégory Plotkin. On n'a pas encore de date pour la France. Ah ouais, et donc ça se passe lors de la fête d'Halloween. Dans un parc, il y a un parc à thème qui est plongé dans l'horreur car un tueur costumé assassine les clients qui croient qu'il s'agit d'une animation. Non, c'est wow. Si, la bande annonce a l'air vraiment sympa. Ouais, mais le pitch, ça a l'air d'être du réchauffé, quoi. Ouais, bah forcément, c'est un slasher. Oui, c'est un slasher. Un slasher, c'est quelqu'un qui tue en série, un peu comme Michael Myers de Halloween. Ah, ok. Slash, slash. C'est le bruit du couteau, en fait. Ah ouais. Ça doit venir de là, je pense. Oui. Alors, je parlais de Joe Johnston tout à l'heure, avec Jumanji. Il a sorti un film hier avec Lasse Hallström. En co-réalisateur, c'est Casse-Noisette et les Quatre Royaumes avec Mackenzie Foy, Keira Knightley et Morgan Freeman. Ça sort. Ouais, non, là, ça a plus trop à voir. Ça sort le 28 novembre en France, donc tout ce que souhaite Clara, c'est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l'inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d'année organisée par son parrain Drosselmeyer, Clara découvre un fil d'or qui la conduit jusqu'à cette précieuse clé. Mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. Et donc elle va se retrouver dans le monde de Casse-Noisette où quatre royaumes existent. Trois bons royaumes et un royaume maléfique qu'elle devra combattre. Le royaume de Belgique. Je ne sais pas. Le royaume de Danemark, peut-être. Allez, je vous retrouve tout de suite après une petite coupure musicale pour vous donner les sorties France. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, point de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils inférieurs et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Yeah. mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rythmes pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rythmes pour que tes propos cessent et disparaissent. C'était donc Eddie De Pretto avec le titre Kid. Et je vais vous parler donc maintenant des sorties France. Oui, tu voulais dire quelque chose, Harry, peut-être. Ouais, j'aurais envie de dire que je vous aimais. Je vous aime tous. Oh, c'est gentil. Non, c'est pas vrai, je déconne. Ah, d'accord. Non, c'était pour vous dire que je viens de recevoir un petit message d'Abdel. Oui. Donc, des salons des œuvres, des orchidées. Oui. D'ailleurs, qui était présent au salon commercial. Oui, qui a fait une soirée hier spéciale Halloween. Ouais, ça avait l'air sympa. Alors, moi, je regrette de ne pas avoir... y avoir été. Il y avait Karine, donc la fameuse Karine. Donc Abdel, si tu nous écoutes, je regrette de ne pas être venu hier, mais bon, pour les prochaines soirées, c'est sûr, on ira. Il n'y a pas de souci. On vous annoncera d'ailleurs une soirée RLM, mais on garde le suspense, on vous en parlera la semaine prochaine, ça, ouais. Évidemment. Effectivement. Donc je reviens donc sur les sorties ciné, avec les sorties ciné France et le film En Liberté, c'est avec Adèle Haenel, Pio Marmaille, Damien Bonnard, c'est un film de Pierre Salvadori, et c'est sorti en Belgique également hier. Donc c'est Yvonne qui est jeune inspectrice de police qui découvre que son mari... qui découvre donc que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait, mais un véritable ripou. Déterminée donc à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine, qui est joué par Pio Marmaille, injustement incarcéré par Santi pendant 8 longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leur vie à tous les deux, parce que lui maintenant, il était innocent, il décide d'aller braquer des gens, enfin, mais il est pas très doué en fait, hein. Et je vais finir avec... quelqu'un, ça. De quoi, Stéphache? Non. Ah. Non mais dis donc, les pros de l'imitation dans cette émission. C'est marrant, parce que l'émission que j'écoutais tout à l'heure dans la voiture, la sortie de cette balade d'antique. C'est normal. Alors, et je vais donc finir avec la grosse sortie d'hier, c'est Bohemian Rhapsody avec Rami Malek, Mike Myers et Aidan Gillen. C'est un film de Bryan Singer, donc pour ceux qui connaissent les X-Men, c'est lui qui a fait les premiers X-Men, hein. Donc c'est sorti en Belgique également hier. Donc le film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie, découvrez donc la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Ah bon, j'y vais. J'y vais demain. J'ai vu le trailer. Alors moi, clairement, je vais aller le voir demain. Par contre, on dirait The Doors, je trouve, la bande-annonce, le film de The Doors. Ouais, on dirait dans les mêmes scènes un petit peu. Ah, ouais, c'est bien possible. Et ouais. Vous saviez que Freddie Mercury avait 4 incisives de plus? Ah bon? Oui. Ah ouais, ils sont devant. Il avait 4 incisives de plus et ça pouvait expliquer aussi le fait que ça jouait sur ses cordes vocales et sur sa voix. Non, c'est pas une plaisanterie. D'accord. Je suis très perplexe que ça puisse jouer sur sa qualité de corde vocale. D'avoir des incisives de plus. Freddie Mercury. C'est dans ce que j'ai vu, Marie qui est hyper connectée, tu vois, qui est déjà en train de taper ça. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on. Ouf, on va se faire une coupure musicale. Ouais, juste une petite chanson. Ouais, et puis, je sais pas, pour une session, ça va être un peu compliqué, Stéphane. Ça me paraît très juste quand même, là. Ouais, on rappellera quelques actualités, et puis, alors. Deux petits titres sortis de derrière les fagots. Allez, on se retrouve après Gauthier, c'est le son belge, Gauthier et Kimbra. Et on reviendra après Lady Gaga et Paparazzi. So happy you could die. myself that you were right for me. It felt so lonely in your company, but that was love to make us still remember. Glamorous, not sure what. C'est toujours aussi bon. Est-ce que quelqu'un aurait un café? Il y en a là. Alors, je fais un petit clin d'œil à Arnaud hein, pour les matinales, évidemment, tous les matins, donc de 7h à 10h. Voilà, qu'on salue. Évidemment, vous le connaissez. Hein. On est aussi avec Nicolas pour l'émission, donc tous les lundis soirs. Excel FM. Excel FM, donc de 17h à 17h15, c'est ça hein. Non, je déconne, de 17h à 16h45. 19h à 20h. Alors moi j'ai un petit message comme ça, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais alors quelqu'un a suivi la Starac ou pas? Oui, ah, voilà, un peu, Starac, ouais. Voilà, donc la Starac, on avait connu Quentin Lemonnier. D'ailleurs, notre ami Canon avait eu l'occasion de faire un petit duo avec lui qu'on a trouvé sur Internet. Ouais, exact. Un duo avec Quentin Lemonnier qui avait monté très haut au niveau de la Starac. Alors c'était la 8e édition. Est-ce que vous vous souvenez de Johanna? Oui. Johanna oui, Lagrave. Tout à fait. Ça me dit quelque chose. Johanna, ouais. Alors rien que ça, a chanté avec Shield. Ah oui. Avec Johnny Hallyday. Bien sûr. Ah ouais. Alors, elle a d'ailleurs chanté une chanson qui est Unchained Melody avec Johnny Hallyday, c'est assez impressionnant. Ah bien. D'ailleurs, je crois que Johnny ne l'avait jamais interprété avant, et il l'interprète avec Johanna Lagrave. C'est bien, hein. Ouais, et Johanna avec qui on avait déjà eu des contacts et tout ça pour X et Y raisons, hein, surtout pour des raisons radiophoniques, bien oui. Évidemment. Et en fait, il faut savoir que Johanna a mis de côté sa carrière, on va dire, musicale, pour maintenant se consacrer plus à l'art. Et donc, elle fait des peintures. Okay. Et maintenant, elle s'appelle Poum in Love Art. Donc Poum, P-O-O-M, in Love Art. Donc j'ai longuement échangé avec elle hier soir et je vous invite, et j'ai mis un lien sur la page Facebook, je vous invite à découvrir Poum in Love Art. C'est assez sympa, en plus ça donne des petits clins d'œil aux années 80 parce qu'il y a des peintures de E.T. par exemple. Ah, mais bien. J'allais dire justement, elle me donne envie d'aimer un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Alors, j'en parle rapidement maintenant, mais on fera une petite chronique la semaine prochaine et je vous en parlerai un peu plus dans le détail. On sera on essaiera de faire une petite invitation avec Johanna si tant est qu'elle est dans le coin et j'en suis pas tout à fait sûr. Ouais. Donc voilà. Tu sais pourquoi excuse-moi elle a arrêté de chanter parce qu'elle est sacrée voix. Bah ouais je sais mais justement on lui posera la question. Bien. On lui posera la question. Il est un peu tard hein, quand je l'ai sollicité donc j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail mais on lui posera la question parce qu'effectivement avec le talent qu'elle avait je comprends pas pourquoi elle continue pas à chanter. Mmh. Voilà. Maintenant je comprends pourquoi cet âge continue à faire le défi mix parce que c'est du tonnerre. Oui. Si c'est pas ça. Voilà. Oui. On te remercie. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Ça. Je vous donne rendez-vous alors, sur cette même antenne pour Mixage ce samedi, 20h-22h, histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Et puis également à partir de 22h au Barouf pour une soirée 100% rétro, house, techno. Donc à partir des années 90 jusqu'au début des années 2000. Du studio jusqu'au Barouf. Ouais, mais c'est ça super, va aller. C'est pas très très loin d'ici finalement. Hein. qu'est-ce qui se passe, Marine? Non, je dis que c'était super sympa. D'ailleurs, je compte sur toi, Marine, ce samedi pour venir te déhancher sur ces bons souvenirs que tu ne connais pas parce que tu n'étais pas né. Pour faire du pole dance. Ah oui, bien sûr. Effectivement. Merci à toi, Marine, évidemment, pour tes interventions et l'actualité. Merci à notre ami Canon d'être revenu. Je suis revenu de loin. Voilà, et puis merci à Sherlock, évidemment, pour le cinoche et le rétrociné. Et à toi, Harry. Eh bien, de rien, et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure et antenne, même antenne, donc sur le 107.9, et restez à l'écoute, puisque évidemment on est né 27h sur 24. Quand vous croyez qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, portez-vous bien, ciao. Bye. Allez, ciao, ciao. Ciao. On revient tout de suite. Dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. And when the rain begins to fall, you. 107.9 FM. Premier solide, RLM. Il est déjà 22h.